Sûr. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Vous en avez désormais pris l'habitude chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Eh bien, au programme aujourd'hui, notre choix s'est bien entendu porté sur des films qui évoquent cette merveilleuse fête de Noël. Alors les films, vous les connaissez probablement tous, mais les musiques sont parfois surprenantes, donc je ne vous en dis pas plus et place à la magie de Noël. Eh bien parfait Francine, on se retrouve dans quelques instants pour cette programmation toute particulière. Alors, commençons tout de suite par la séquence BO Anthologie avec La vie est belle, un film de Frank Capra sorti en 1947 dans lequel on retrouve notamment James Stewart et Donna Reed. Alors, c'est le jour de Noël et pourtant, George Bailey est désespéré. Lui qui a toujours fait le bien autour de lui se retrouve seul et ruiné. Avec la neige qui tombe à gros flocons, un ange descend du ciel pour lui venir en aide. Ce sublime conte de Noël est souvent considéré comme l'œuvre la plus riche et la plus complète de Frank Capra, combinant non seulement la comédie et le drame, mais faisant appel aussi au romanesque, à la poésie et même au flic. Malheureusement, le film a été un échec commercial à sa sortie, mais il s'est bien rattrapé puisqu'il est maintenant considéré comme un classique du cinéma américain. Mais oui, en effet, tout à fait. Il est régulièrement diffusé maintenant à la période de Noël par les chaînes de télévision américaines et on le retrouve même dans des films comme Maman, j'ai raté l'avion, Les Gremlins ou dans des, même dans des séries comme Friends et les frères Scott. Oui, tout à fait. Alors, la musique est écrite par Dimitri Tiomkin, donc un compositeur et producteur américain d'origine russe qui a beaucoup travaillé sur des westerns et qui justement a remporté de nombreux Oscars de la meilleure musique de film, comme par exemple pour Les Canons de Navarone ou Alamo. Alors je vous propose donc tout de suite donc de retrouver donc le thème principal de La vie est belle. We'll be right back. Alors, place à la BO culte avec, évidemment, Le Père Noël est une ordure, un film réalisé par Jean-Marie Poiret. Et Jérôme, tu sais quand il est sorti, ce film ? Là, j'ai un petit peu de mal, là, dans les années 85-6. Eh bien, t'es pas loin, puisque ça fait maintenant presque 40 ans, puisqu'il est apparu en salle le 21 décembre 1982. Ah oui, déjà. Eh oui. Donc, à sa sortie en France en 82, le film a 8 millions de spectateurs, moins que pour Les Bronzés. Mais tous les ans, il ressort à la télévision au moment de Noël, avec de belles audiences. Alors, il faut savoir quand même qu'à sa sortie, Francine, le film a été boycotté par la RATP, qui avait refusé de louer les panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre provocant. Eh mais oui, et certains cinémas avaient même ajouté diverses mentions sur les affiches, comme par exemple « Le Père de Noël est une ordure », 3 points de suspension, pas le vrai. Eh oui, les pauvres enfants. Hein. Voilà, donc la musique est signée Vladimir Kosma. Le morceau peut-être auquel on pense tout de suite est destiné, qu'on retrouve dans d'autres films, qui est chanté par Guy Marchand. Mais je vous propose d'écouter un extrait uniquement musical avec un côté un peu jazzy qui porte tout simplement le titre du film. Voilà, donc après la séquence BO culte avec Le Père Noël est une ordure, on passe maintenant à la BO historique avec Joyeux Noël, un film réalisé par Christian Carion et sorti en 2005. Alors l'histoire relate des faits qui se sont déroulés pendant la Première Guerre mondiale. Le film donc rassemble plusieurs épisodes de fraternisation survenus en différents endroits du front au moment de Noël 1914. Tous sont attestés par différents témoignages et preuves historiques. Par exemple, l'envoi de sapins dans les tranchées allemandes, la partie de football, les échanges de denrées, la messe de Noël commune dans le No Man's Land, la trêve pour relever les corps, tous ces faits ont donc bien existé. Alors je suppose, Jérôme, que ce film poignant a obtenu des récompenses. Eh bien, le film a été présenté en sélection officielle hors compétition, donc lors du Festival de Cannes 2005. Il a été sélectionné pour un certain nombre de nominations, mais malheureusement, il n'a jamais été donc récompensé. Alors, pour la musique, le Joyeux Noël, eh bien, on remarque les retrouvailles de Christian Carion avec Philippe Rombi. Alors, écoutons tout de suite un extrait de la BO avec l'hymne des Fraternisés. Cette bande, originale de Joyeux Noël, donc un film dont tout le monde se souvient, assez poignant, nous allons passer à la BO comédie romantique avec Le Journal de Bridget Jones, un film réalisé par Sharon Maguire, sorti en 2001. À l'aube de sa 32e année, Bridget Jones, employée dans une agence publicitaire à Londres, décide juste avant Noël de reprendre sa vie en main. Alors pour ce faire, elle dresse une liste de 4 bonnes résolutions. La première, tenir un journal intime. La deuxième, trouver un petit ami, voire même l'homme idéal. La troisième, perdre du poids. Et la quatrième, arrêter de fumer. La musique est signée Patrick Doyle, mais on y retrouve des morceaux cultes comme par exemple « Have you met Miss Jones » qui est une chanson écrite en 1937. Et ce morceau est devenu un standard de jazz et ici elle est interprétée par Robbie Williams. Donc écoutons tout de suite ce morceau « Have you met Miss Jones ». Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be. I lost my breath and all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death. And all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Miss Jones and I. Passons maintenant avec la séquence BO animation avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloweenville, s'ennuie depuis des siècles. Il en a assez de préparer la même fête d'Halloween qui revient chaque année et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël. Alors, pour son film L'étrange Noël de Monsieur Jack, le réalisateur Tim Burton ne voulait pas de musique de dessin animé traditionnel. Le compositeur Danny Elfman, inspiré par des compositeurs russes et par Nino Rota, pioche alors donc dans le jazz. Mais dis-moi, Jérôme, j'ai entendu que la composition de la musique s'est faite au fur et à mesure de l'écriture du scénario. Oui, tout à fait, Francine, puisque chaque soir, durant la création du scénario, Tim Burton venait raconter la suite de l'histoire à son ami musicien, qui se mettait alors à composer, dans la foulée, la chanson suivante. Alors, la bande originale de L'étrange Noël de Monsieur Jack est un cocktail joyeux et sombre à la fois, rempli de cuivre, mais aussi de dissonance angoissante. Nous vous proposons donc d'écouter What's This, le morceau culte de ce film, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? Children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones, I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? They're hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, I've got to know. It is this place that I have found. What is this? Christmas Town? Alors, place maintenant à la BO romance avec un incontournable Love Actually, un film écrit et réalisé par Richard Curtis, sorti en 2003. Ah bah j'attendais avec impatience cette séquence, hein, Francine. Ah bah voilà, il arrive. Alors, Richard Curtis n'en est pas sa première comédie romantique puisqu'il avait déjà écrit Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones dont on a parlé tout à l'heure, et dans les quatre films, Hugh Grant en est l'acteur principal. Alors contrairement à ses précédents longs métrages, Richard Curtis se propose avec Love Actually d'évoquer le destin amoureux d'une vingtaine de personnages principaux au travers de plusieurs histoires s'entrecroisant au fil du récit. Et je crois que l'une des particularités de ce film, c'est justement le fait de retrouver des chansons romantiques interprétées par des artistes à la voix envoûtante. Ah oui, tout à fait. La bande originale du film est composée par Craig Armstrong, mais en parallèle, l'album du film réunit des chansons fabuleuses entendues tout au long du film. On y trouve par exemple Turn Me On de Norah Jones et évidemment All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Voilà, donc c'est le morceau qu'on a choisi de diffuser. Eh bien, c'est parti. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. Voilà, c'était la séquence BO Romance avec Love Actually. Et pour terminer l'émission, passons à la BO Comédie avec Maman, j'ai raté l'avion, sortie en 1990 et réalisée par Chris Columbus. Eh bien, la famille McAllister a décidé de passer les fêtes de Noël à Paris. Seulement Kate et Peter, les parents, s'aperçoivent dans l'avion qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. Ils ont fait fort quand même. Ouais, c'était jamais arrivé, Francine. Non, pas encore. D'abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s'organise pour vivre le mieux possible jusqu'à ce que deux cambrioleurs choisissent sa maison pour cambrioler donc et commettre des méfaits. Alors, il faut quand même savoir que ce film a le meilleur ratio coût-chiffre d'affaires de tous les temps puisqu'il a coûté que 15 millions de dollars et il en a rapporté 533 millions. Ben en effet, impressionnant. Hein. Et donc, tu sais que la BO de ce film, c'est un peu surprenant, elle a été composée par... Je ne sais pas. John Williams. Ah. Hein, donc, on est loin de Star Wars. Mais le morceau que nous avons choisi, parce que c'est Noël, eh bien, c'est un cantique anglais composé donc, au XVIe siècle, « We wish you a Merry Christmas ». L'origine de ce chant réside dans une vieille tradition de l'Angleterre où les gens riches de la communauté avaient pour habitude de donner des friandises à ceux que l'on appelait à l'époque les chanteurs de Noël. Ce morceau a été repris de nombreuses fois et est devenu donc mythique. Alors donc sans plus tarder, voici donc ce très beau chant de Noël. We wish you a Merry Christmas. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de la boîte à BO entièrement consacrée à des films qui nous ont plongés dans cette ambiance de Noël. Nous vous souhaitons donc à tous un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de Noël, Francine. Ah oui, bonne fête de Noël. Mais tu restes fidèle, hein, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et hein, oui, il n'y a pas de souci. Et bien donc d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.